Y'a ceux qui achèvent leur nuit de noces, au matin se lèvent et puis divorcent. Ça ne pouvait marcher, car voyez-vous, elle fait sa couchée et moi debout. Ainsi font, y'a ceux qui rêvent, romans, photos, d'un parti mondain, dans un château, d'un donjon à bord, d'un paquebot, tendre et riche et fort, mais pas que beau. Ainsi font, les bandits, les amourettes, ainsi font, partis doux et puissants. Y'a ceux qui s'entourent par de vrais liens, qui se font mal pour se faire du bien. La joie de l'un sait quand l'autre pleure, curieux chacun sait où ses douleurs. Ainsi font, les petites amourettes, ainsi font, moi petit doux et puissant. Y'a ceux qui soupirent après l'âme sœur, afin d'obtenir quelques douceurs. Il faut les comprendre, c'est pas humain, sans cesse de prendre son pied en main. Ainsi font, les petites amourettes, ainsi font, trois petits doux et puissants vont. Y'a ceux qui supplient coopératifs, que l'on multiplie les membres actifs. Le Kama Sutra, ça les ennuie, plus on est de bras et plus on jouit. Ainsi font, les petites les amourettes, ainsi font, trois petits doux et puissants. Y'a ceux qui se rasent et se maquille, y'a celles qui s'embrasent pour des gorilles, y'a ceux qui déballent leur attirail, et celles qui emballent pour le travail. Ainsi font,